Non, simplement, ça a déjà été dit sur les conditions de travail des précaires. C'est-à-dire que c'est une des conséquences de la recherche sur contrat, c'est qu'on a l'impression que la recherche, elle se fait en apesanteur. On a besoin de rien. Enfin, je crois que c'est une différence entre les sciences, la biologie et puis les SHS. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de bureau, on n'a pas besoin d'ordinateur, on n'a pas besoin d'imprimante. Et quand on est recruté en tant que postdoc, dans le cadre d'une ANR, il se pose la question concrète, où est-ce qu'on va travailler? Bien souvent, les gens vont travailler chez eux. Parce que normalement, le porteur de projet doit l'accueillir, mais... Enfin, la situation parisienne était différente de la situation en province où la question des locaux ne se pose pas aussi fortement. Mais même les titulaires à Paris dans les laboratoires parisiens n'ont pas de place. Donc comment accueillir un postdoc donc ça pose des vrais problèmes de conditions de travail. On se retrouve à travailler chez soi. Je remarque au passage que sur les sciences comme la biologie et la physique, le problème d'avoir des gens dans un labo sans contrat ne se pose même pas. Quand tu imagines les dangers en termes d'accident du travail, si tu as un problème avec quelqu'un dans ton labo, mais tu es dans une merde. Surtout que les problèmes de commission d'hygiène et de sécurité, ça c'est une bonne chose par ailleurs, parce que c'était un peu folklorique. Tout le monde passait à travers, s'en occupait. Là maintenant c'est devenu sérieux. Tu prends quelqu'un sans contrat chez toi. Même des gens qui ont des contrats. Des gens qui ont des contrats, mais concrètement, on leur offre pas de lieu de travail. Non, je disais la pratique, aussi d'avoir des gens complètement hors statut chez nous, c'est, honnêtement, c'est inenvisageable. C'est un tel risque judiciaire que tu te lances là-dedans, t'es mal. Pour revenir à ce que tu disais, je suis d'accord avec toi, mais il y a plein d'endroits où... Moi, par exemple, qui ne suis pas SHS, je suis étonné qu'en SHS, il y ait une notion de recherche comme ça hors sol. Moi, j'ai toujours pensé que les gens en SHS, ils avaient besoin de bureaux, de bibliothèques, d'ordinateurs, de liaisons Internet, de téléphones. Oui, mais c'est fou, quoi. C'est fou que ce soit... Finalement, un ordinateur, s'installer dans une bibliothèque et partir de tout. Moi, je suis toujours étonné de découvrir que... Je pense que là, c'est quand même aussi parfois de la responsabilité de celui qui gère le contrat. Alors c'est vrai que ça dépend si on est dans un laboratoire un peu riche et doté en ressources, mais il peut aussi, s'il gère le contrat, dire c'est un travailleur et donc il a droit à l'environnement de travail qui va avec la fonction. Et dans mon laboratoire, comme on est un laboratoire assez doté, c'est vrai que ça fait râler parfois certains statutaires parce qu'on fait de la place pour les CDD. Sur contrat, mais ça me paraît être une revendication minimale. Et d'ailleurs, peut-être qu'à ce moment-là, on se rendra compte que dans les mètres carrés, quand on est en train de penser au déménagement d'un laboratoire, on ne prenne pas compte que les fonctionnaires, mais l'ensemble. Parce que c'est ça... Les réflexions sur le campus Condorcet, ça serait intéressant de voir comment on a comptabilisé les personnels des laboratoires et les mètres carrés chercheurs. On n'a pas pris en compte les chercheurs sur contrat. Et bon, sauf ceux qui sont ERC, qui ont à ce moment-là les ressources pour louer des locaux. Puisqu'au conseil d'administration de l'HESS, on voit passer les demandes de location de locaux. Donc on revient à une situation qui existait déjà dans les années 70, en tout cas en sociologie, de la recherche contractuelles faites par des hors-statuts, finalement comme des petits cabinets d'études qui louaient des locaux et qui géraient des équipes où le chef d'équipe pouvait être un contractuel. D'ailleurs, ceux-là, après, se sont mobilisés pour être intégrés.